chanter le nom de mon Seigneur, car il m'a sauvé. Je veux chanter le nom de mon Sauveur, car il m'a délivré. Et même si le mal m'environne, je ne craindrai rien. Et même si l'ombre de la mort sur moi se pose, je ne craindrai rien. Chanter le nom de mon Sauveur, car il m'a délivré de ceux qui voulaient mon âme dans la poussière, et mon cœur sous la boue de ceux qui voulaient me cacher sa lumière, m'empêcher de tenir debout. Le seul nom qui vaille la peine de rire et de souffrir. Tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur, Jésus. Tu es mon frère, tu es mon père. Espoir.